Les questions de ce soir que nous vous posons, chers auditeurs, sont: les menus bateaux des restaurants japonais font-ils référence aux kamikazes de Pearl Harbor? Couchez-vous le dernier soir? Les membres du Temple du Peuple étaient-ils les village people du suicide collectif? Quand un enfant en phase terminale brise un miroir, reçoit-il 7 jours de malheur? La chute de l'ange déchu Lucifer depuis le paradis était-elle sponsorisée par Red Bull? Le saviez-vous, ma mère est morte de la peste. Totalement fou. Ouais. Elle marchait tranquillement dans la rue quand soudain, un exemplaire de la peste d'Albert Camus est tombé sur sa tête. Benoît XVI est-il Peggy XVI? Peggy XVI. Peggy XVI. Nuit et brouillard a-t-il mal vieilli? Enfin, durant quel moment du film Shoah avez-vous fait vos pauses pipi? Et dernière question, pourquoi personne veut déjeuner avec moi à la cantine? D'autres questions, Augustin? Oui, pourquoi les poètes n'ont-ils jamais véritablement abordé le thème du snacking? Et quelle meilleure illustration du manger-bouger que l'Anschluss? Enfin, est-ce que vous aussi, vers l'âge de 11-12 ans, vous avez eu peur de rester pédophile toute votre vie? Justement, chers auditeurs, Henri Dess couchait-il avec ses groupies? On attend vos réponses sur le répondeur. Quelle est votre chanson préférée de David Bowie? Sa période berlinoise vaut-elle celle de Hitler? Pourquoi la fièvre des fusions-acquisitions dans le secteur pharmaceutique ne retombe-t-elle pas? La mort de Bowie a-t-elle éclipsé celle de la mère de Marc? D'ailleurs, Marc, toutes mes condoléances. Merci. Et est-ce que cet acte isolé fait craindre une mort de plein de célébrités cette année? On posera toutes ces questions à Marc Trévidic, qui sera notre invité en P2. Eh, chaud devant, d'autres questions arrivent. Avez-vous déjà caché une érection avec un journal de Mickey? Avez-vous déjà été attiré par un bébé plus jeune que vous? Qui sont les vrais vainqueurs de la guerre froide? Quel vin se marie le mieux avec des somnifères? Quel est votre alcool de chevet? Les Anglais passent-ils l'arme à droite? Et franchement, ça vous fait pas peur la montée du FN? Vous imaginez l'horreur que ce serait si Marine Le Pen gagne en 2017? Une femme présidente? Berk! Autre question, qu'y a-t-il au bout de chaque extrémité d'un arc-en-ciel? Un chaudron rempli de pièces d'or ou la tombe d'un homosexuel? Si l'arche de Noé a tenu bon face au déluge, l'arche de Zoé en aurait-elle fait autant? Vu que les Noirs nagent pas très bien, si. Arche de Noé toujours aujourd'hui, aurait-elle été la cible de pirates somaliens et ou de pirates zoophiles? Si l'on se base sur le travail de Stephen Hawking, existe-t-il une rampe pour les personnes en fauteuil roulant menant vers le futur? Amour étant le meilleur film sur le temps qui passe, Jean-Louis Trintignant est-il un homme pressé? Un corps d'handicapé peut-il être contenu dans un sac à sapin? Avez-vous déjà acheté un aspirateur? Vous êtes-vous déjà masturbé devant la publicité pour les médicaments contre les hémorroïdes avec un tabouret qui danse sur de la musique mariachi? Aussi, si vous deviez tuer un des membres de Vogue les Mouettes, pourquoi choisiriez-vous Marc? Vincent Van Gogh n'en a-t-il pas fait un peu trop pour soigner son otite? Avez-vous déjà eu la varicelle et ou le sida? Et je termine avec un petit « le saviez-vous ?» Le saviez-vous, les Allemands ont construit un canal reliant la mer Baltique à la mer du Nord et ont aussi tué 6 millions de Juifs.